Tu consèches tes larmes, elles ne m'attendrit. Demain il fait beau, la mort attendra. Un petit pointu dans le crâne, pas de ralenti. Je remets tout en question comme un attentat. Toujours connecté comme des terminaux. Tu parles mal, tu termines nu. Ta prochaine parole sera déterminante. Sinon tout le monde descend, terminus. Ce fut un frère, on le défendit. Ce fut un traître, on le descendit. Toute révolution sera anéantie. J'suis politicien, j'fais des démentis. Que des plans tactiques paramilitaires. Fils de pute et poucave dans l'utilitaire. J'crée les lois, les défaits, modifie tous les faits. Puis courons tous les juges comme aux dignitaires. Ça lâche l'école, ça casse les couilles. Tu parles mal, ça t'lasse l'épaule. Ça casse les codes, maîtrise le côté gauche tout comme marche l'école. Tu contrôles les stupes, tu mens, tu meurs prématurément. Tu fais le fou, c'est mort, j'te le dis assurément. T'avais beaucoup d'insultes dans son lexical. Ton corps suspendu à la verticale. Maintenant tu pleures et banique tout tes morts. Couteau tactique, t'es mort dans les cervicales. Dans l'équipe que des petites tenaces. Avec les petites tenaces qui te respectent, qui te menacent. Écoute pas la parole de ces fils de lâche. Moi, si j'étais roi, j'aurais fédéré. À coup de billets de 500 parce qu'on fait des ronds. Un goulag pour tous ceux qui ont fait les comptes. T'as rien vu venir car j'arrive en accéléré. On est venu tout prendre, pas s'éterniser. Première infanterie, c'est terminé. Toc toc, salut c'est nous. On est venu s'indemniser. C'est un pour la mif, deux pour le bif, trois pour la fraternité. T'as qu'une parole pour l'éternité, où on fume même devant la maternité. C'est un pour la mif, deux pour le bif, trois pour la fraternité. T'as qu'une parole pour l'éternité, où on fume même devant la maternité.